Ce panneau indique que la rue en face est une voie sans issue. Cela ne signifie pas que cette rue est à sens unique, puisque des usagers peuvent en sortir. De même, rien n'indique que cette rue est réservée uniquement aux riverains. Je peux tout à fait y pénétrer pour faire un demi-tour, par exemple. Réponse B et D.